croiser les bras. Elle dit qu'après certains regards, les mots deviennent les revoirs. On fait des choses parce qu'elles s'imposent sans se regarder.